Tu l'as pressenti dès le début, moi tu peux pas me vendre. Rien qu'on baise, rien qu'on malmène la prod, rien qu'elle se taise. Elle est pleine d'antécédents, elle pop ecstasy. On reste même assis. Vas-y, tais-toi, s'il te plaît, gueule. On va à l'école, toutes les deux, elle va à l'école. Oh merde, vieux, je vais me la couler douce. Et en taffant mes phases, on les pousse. Y'a rien de barbant et c'est mieux qu'avant. Maintenant y'a même vos petites sœurs. On remplit les salles. Elle a pas de repères, y'a même des putes aux petits seins, aux petits soins. Pour mes tifs, en médecine, elle me soigne. On veut tous les dos, ça. Azure, bouffi, glisse-le, y'a des groupies, groupies. On veut plus s'en foutre. Et j'ai plein de catapas, les nénas inconnus. Et la lake qui s'abatte, même maman lui son chardonnay. Tu me connais pas, mais pas à nu. S'il te plaît, n'en dis pas trop. J'ai dit, j'arrête par les reins, juste la lance retourne en temps. Que jamais la neuf, rien de nouveau, pas du neuf. Je vais terminer ton ring, amie, n'a beau pas que tu te riche. Et pas, pas écoute, c'est des dépenses de son talent. Chaque sa chaussure sous mes calculs, les grosses se sentent en riche. J'aime du corps avec mes vices, mes qualités, mes réponses. Mais je peux pas supporter la présence d'un étrogue. La page est moyen, trop de faux, sous ta cache, ça tient trop de fun. Le pouvoir de le faire, j'ai dans mes mains comme mon iPhone. Allo Kikama, qui Tony Montana, sa caccia banana, colpa di lana. Centro club, techno, porto con me il pezzo. Saluto con rispetto, insegna cosa porta il vento. Oh no, cazzo, ehi, giro solo con i miei. Anzi sgamo party fake, anti glamour party bail. Anaconda nei miei jeans, ho dimenticato il beat. Non farti dei film, ti bagni perché lo negro è lì. Cocaina, cocaina, sconosciuta è la mia vina. Senti, questa è la mia tipa, senti, questa è la mia vita. Ehi, sono fuori con i miei, sono fuori con i miei, sono fuori con i miei. Dieu la voûte, on ne se parle plus. On a la tête dans les calculs. Coup d'un soir, je capture son bouille, je décapsule. Corps, je suis dans la capsule. Rap jusqu'au crépuscule. Elle kiffe mes veuilles, je crépuscule. J'ai la ligne plein de douceur. Repos, midi, 12h. Là, ce pull marche toute seule. Indispensable comme ça qu'est mes éléments. Ils sont plus chauds, wesh, ils sont fous les mal. Genre de la boxe avec des dés sous les mal. Gros. Si on touche, laisse une marque. J'ai défoncé comme un cali. Que d'un 12 il m'aurait fallu. Sors, tire mon phallus. Pénétrer, toi tu me danis. J'ai défoncé comme un cali. Que d'un 12 il m'aurait fallu. Sors, tire mon phallus. Pénétrer, toi tu me danis. Pute, fais pas la belle. Toi devant, c'est que des nuits.